Vous êtes des gamins, les gars. Ouais, c'est qui là-bas? On dirait la meuf insultant, non? Bah attends, avance. Je suis retiré la meuf insultant. Oula, elle est avec un mec chelou. Attends. Baisse le son. Gros, elle est en train de le galoche, la tête de ma mère. Avance. J'ai juré, c'est la meuf insultant, les frères. Vas-y, ramène-moi chez Sultan, je vais le voir. Sultan, excuse de dire ça, mais ta meuf c'est une tasse. Quoi? J'l'ai vu galoche un mec devant la tour Montparnasse. Mais t'es pas sérieux, arrête de dire des trucs comme ça. Je jure, tu insinues quoi? Que ma meuf est une love ça. Ah ouais. Ça fait 2 ans que je suis posé, tu crois en plus que je vais te croire. Elle doit être avec sa copine d'après ce qu'elle m'a dit hier soir. Faut être réaliste, elle dit qu'elle t'aime, c'est de la tchatch. Une vraie matérialiste qui kiffe les BM qui ont la gouache. Faut que tu la plaques, ok, perds pas de temps. Mais lui une claque ma part, ok, Sultan. La façon dont tu me parles d'elle, au moins faut que ce soit vrai. De toute façon t'es mon pote, je vois pas pourquoi tu mentirais. Ne fais pas de sentiments, okay. Même si elle parle gentiment, okay. Imagine-toi la scène, elle est ce mec, on se cale au champ. Ok, suis-moi gros, moi je veux régler cette histoire. T'as pas idée, j'ai la rage sur la vie de ma mère qu'elle va voir. Minute, j'arrive. Quel bébé? Qu'est-ce que t'as? T'étais où aujourd'hui toi? J'étais avec ma copine, je lui ai dit. T'es sûr? Arrête de se de ma gueule, on t'a crabé en Montparnasse en train de galocher un mec. Comment ça, je te jure, j'étais avec ma copine, demande-lui, elle est là. Bon, vas-y, crois-moi, viens. Quand je pense que tu disais que tu m'aimais. Bébé, je t'aime et tu le sais. Mon pote a vu et tu oses nier les faits. Crois-moi, bébé, je n'ai rien fait. Quand je pense que tu disais que tu m'aimais. Bébé, je t'aime et tu le sais. Mon pote a vu et tu oses nier les faits. Alors comme ça j'apprends qu'il y a un autre mec dans ta vie. Ça fait 2 pistes que tu mets la piste, toi t'as trop de ce vie. En plus tu jures que t'as rien fait, t'es vraiment une connasse. Tu fous le seum, comment j'ai envie de te niquer ta race. Tu as osé te faire toucher par ce Renoir fâché. Embrasser sa bouche, je suis sûr qu'avec tu as couché. T'as trompé mon strap, je me suis pas trompé. T'es bien monté dans ce BMK, prêt à le pomper. Je te jure, j'étais avec ma copine. Vas-y ferme ta gueule, tu crois que c'est qui que tu baratines. Ne te fous pas de ma gueule. Je te jure, elle est. Mais ferme ta gueule toi aussi. Dans son mensonge tu la suis, je l'ai cramé, pourquoi tu nies? Tu nies encore, en plus t'es une menteuse, ah ouais. Ça devient grave là. Vas-y prends ta voiture, Chroma c'est où habite le gars. Tu baisses la tête, t'as bien raison d'être gêné. Face à lui tout se saura, tout le monde saura la vérité. De toute façon vas-y, tu fais la meuf qui nie. Bah de toute façon vas-y, on va aller voir le mec, y'a pas d'autre solution. Non mais moi de toute façon, chez où il traîne le mec hein? Non, on y va pas. Jure on y va. Comment ça on y va pas? Non j'ai pas envie. Ça fait t'as quelque chose à te reprocher donc. Non mais on y va pas. Mais comment ça on y va pas? T'as quelque chose à te reprocher. Quand je pense que tu disais que tu m'aimais. Bébé je t'aime et tu le sais. Mon pote t'as vu et tu oses nier les faits. Crois-moi bébé je n'ai rien fait. Quand je pense que tu disais que tu m'aimais. Ma soi-disant meuf me trompe, elle m'a bien eu. Comment là j'ai trop la honte? Eh hey gros, t'es tombé dans le piège, tu t'es fait avoir. C'est une connasse, moi aussi j'ai eu trop de mal à le savoir. C'est pas le mec, il savait pas. J'suis sûr que t'étais au courant, tu la voyais presque pas. T'as deviné que t'étais son amant. Ses coups de fil anonymes, tu t'es pas dit à un moment qu'elle avait trop de cartimes, donc ne fais pas l'innocent. Mais lui dis pas ça, car moi aussi elle me l'a fait à l'envers. Mais vas-y, fermez vos cœurs. À qui tu parles, on va te monter en l'air. Que tu m'aimais. Mon pote t'a vu et tu oses nier les faits. Ouais, je suis pas disponible pour le moment, laisse un message et je te rappelle. Ouais, crois-moi, c'est Sultan, vas-y, je passais chez toi, t'étais pas là, gros. Bah, vas-y, rappelle-moi urgent là, c'est à propos de ta meuf.